Lisou, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de toi, sans trop savoir pourquoi, toujours regarder devant toi, sans jamais baisser les bras, je sais. C'est pas le remède à tout, mais faut te forcer parfois. Lisou, Lisou, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin. Mais c'est pas la faute au salvateur, ni celle de la sorcière, encore moins celle du chasseur, c'est celle des loups-garous. Même si je n'ai pas le temps de te protéger encore une fois, j'en ai qui me demande encore, qui me supplie encore. Tu sais, non, je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs ou de faire ce qui est plus à faire, revenir en arrière. Mais Lisou, Lisou, t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois, à peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard. Mais c'est pas la faute au salvateur, ni celle de la sorcière, encore moins celle du chasseur, c'est celle des loups-garous. Lisou, j'ai fait le tour de tant d'histoires d'amour, j'en ai bien assez de courage pour tourner d'autres pages. Sache que le temps t'est compté, faut jamais te retourner en se disant je veux pas me faire bouffer, j'ai pas passé l'âge. Mais Lisou, Lisou, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun loup ne vaut le coup pour qu'on se fasse bouffer comme ça. Mais c'est pas la faute au salvateur, ni celle de la sorcière, encore au moins celle du chasseur, c'est la faute au loup-garou.